La meilleure part, par Edmond Jalloux. Il y a quelques années, j'étais le familier d'Aurélien Thésée, le grand historien, dont personne n'a oublié les beaux travaux sur l'émigration et sur la Russie au XVIIIe siècle. Nous allions souvent déjeuner ou dîner ensemble chez son ami Germaine Villaudry, à qui il m'avait présenté. À ce nom, vous voyez aussitôt ressusciter dans votre mémoire ces étranges tableaux, couleur de perles et d'opales, où toute chose semblait regarder à travers un brouillard irisé. Un vieux verre de Venise, ces femmes en robe de bal accoudées à un balcon, ou tournant sous un lustre, dans un salon solitaire, ces aspects miroitants de jets d'eau, ces incomparables gerbes de roses. Madame Villaudry avait été très belle. Elle était presque encore quand je la connus. Mais longue, exsangue, avec une chevelure couleur d'écume, elle n'avait plus l'air d'appartenir au monde des vivants. Elle avait épousé un journaliste bavard et quelconque. On y naît dans une salle à manger toute blanche où de grands palmiers montaient aux quatre coins. Au milieu de la table, un bouquet de roses magnifiques, de roses si roses et si larges qu'elles paraissaient avoir été choisies dans un poème persan. C'était la quotidienne offrande d'Aurélien Thésée à Madame Villaudry. Pendant le repas, Thésée parlait, et comme lui seul savait le faire, comptant des souvenirs, des anecdotes, animant l'univers de sa verve et de ses prodigions d'ondes métamorphoses, car derrière cet historien sec et précis, il y avait l'âme d'un poète. Madame Villaudry se taisait, et quand le regard d'Aurélien se posait sur elle, je m'étonnais de ce qu'on y pouvait lire d'immense tendresse et d'amoureux dévouement. En dehors d'elle et de moi, il ne fréquentait personne. Il préférait à toute société la lecture ou la promenade, et cet homme, qui n'était que douceur et délicatesse, sitôt qu'il parlait de ses semblables, devenait d'une incroyable amertume, d'une misanthropie presque haineuse. Quand par hasard nous traversions une foule, il me disait, en me montrant les figures que nous croisions, « Ils ont l'air de braves gens, n'est-ce pas ? Mais au fond, ils sont pareils à ceux qui riaient au soubresaut que la fatale charrette communiquait à Marie-Antoinette, à ceux qui dépeçaient les bras de la comtesse de la Mire ou dévoraient M. Guillain rôti. Et ils recommenceraient demain s'ils en avaient l'occasion. » Dans ces moments de désespoir farouche, seule Madame Villaudry pouvait apaiser notre ami. Cependant, la santé d'Aurélien Thésée était minée. Une nuit, il ne se réveilla pas. Nous accourûmes à son lit de mort, Germaine Villaudry et moi. À sa douleur, je reconnus que la perte qu'elle faisait était aussi grande que la mienne. Mais quel secret ces deux êtres avaient-ils donc eu en commun? Le soir vint, nous veillâmes l'historien. Sa calme figure de songeur reposait sur l'oreiller, belle, détendue. Entre ses doigts s'épanouissait une rose épaisse, éclatante, fabuleuse. C'était maintenant au tour de sa vieille amie de le fleurir. Et dans le silence de la nuit mortuaire, dans ce grand silence lourd d'émotion, Madame Villaudry me parla de Thésée. Je suis si vieille, monsieur, que je peux vous raconter toute ma vie, et puisque vous avez été le dernier compagnon d'Aurélien, il faut que vous sachiez quel homme c'était. Excusez-moi de vous parler un peu longuement de moi-même. Excusez-moi surtout de vous confier des secrets qui ne devraient pas sortir de mon cœur. Si je semble oublier ici toute pudeur, c'est afin que celui qui dort là soit plus cher à votre mémoire et que vous appreniez à le juger mieux encore que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Je me suis marié sans amour, ne chérissant que mon art. Comme j'avais alors la folie d'être très ambitieuse, j'épousai Villaudry, car je supposais qu'un journaliste m'aiderait dans la vie. Mais je l'épousai surtout parce qu'il était un intime de Robert Courtial. Vous savez l'influence que la peinture de Courtial a exercée sur mon talent. Vous savez aussi que Courtial a été le dernier de nos grands maîtres. Mais ce que vous ignorez, c'est la séduction de Courtial, son charme, son entrain. Je devins folle de lui à la première rencontre. Je n'ai rien à cacher. Notre amour a été de celle que Paris accepte et protège. Robert m'aima, et nous aurions été fort heureux s'il n'avait été marié. Mais Pilar, sa femme, jeune et jolie, l'adorait également. Elle était terriblement jalouse, étant espagnole, violente et passionnée. Avec le temps, elle a pris l'air d'une vieille sorcière de Goya. mais que suis-je devenu moi-même? En même temps que mon amour pour Courtial, grandissait mon amitié pour Thésée. Je les avais connus ensemble, car ils ne se quittaient guère. Aurélien fut le premier confident de l'amour de Robert. Vous avez connu Thésée, amer, déçu, un peu sombre. Vous ne pouvez imaginer le délicieux camarade qu'il était alors, si gai, si intelligent et si fin. J'allais voir Courtial deux ou trois fois par semaine dans un rez-de-chaussée qu'il avait loué avenue de Saxe. Il aimait ce quartier majestueux et tranquille. Un jour, on sonne à la porte furieusement. Robert refuse d'ouvrir, mais nous entendons la voix de Thésée. « Laissez-moi entrer, il faut que je vous parle. » Robert tire le verrou. Notre ami est pâle, nerveux. « Pilar est là, » dit-il, « qui guette votre sortie. J'ai pu me faufiler jusqu'ici sans être vu, mais l'attends depuis 2 heures. Et vous ? Moi aussi, dans un café des environs. Comment diable saviez-vous que Pilar nous suivait ? Je n'ai pas votre aveuglement, moi. J'observe, et je m'en rends compte. Depuis 2 mois, Pilar est folle de jalousie. Que faire ? C'est bien simple. Germaine sortira à mon bras. Pilar nous suivra, et quand nous serons loin, Robert pourra s'échapper. Nous nous glissâmes donc hors de la maison. Il faisait nuit. À peine avions-nous fait quelques pas qu'une femme s'élance devant nous, un revolver au poing. Aurélien se jette devant moi et reçoit 2 balles qui m'étaient destinées. Au cri qu'il poussa, Madame Courtial reconnut son erreur et s'enfuit, épouvantée. Il fut ensuite facile de lui prouver que Thésée était mon amant et le véritable locataire de ce rez-de-chaussée de l'avenue de Saxe, où elle avait vu plusieurs fois entrer son mari. Mais mon pauvre Aurélien demeura 3 mois au lit. 10 ans après, nous perdions Courtial, tué dans un accident d'auto, et je serais morte de douleur si Thésée ne m'avait pas entouré d'attention et consolé comme il l'a fait. Un soir, dans mon atelier, nous causions de tout cela. Nous commencions de vieillir beaucoup tous les deux. Je dis souvent à Aurélien, « Quel ami vous avez été pour moi. Je ne le mérite pas. Pourquoi avez-vous toujours été si bon ?»« Parce que je vous aimais, » me dit-il. « J'entends bien. Mais pourquoi m'aimiez-vous tant ?» « Vous ne m'entendez pas, Germaine, » déclara-t-il de sa voix douce. « Je vous ai aimé, d'amour. » Je demeurai interdite, troublée, peut-être navrée. « Oui, je vous ai aimé du premier jour où je vous ai vu. Je n'ai aimé que vous dans ma vie, mais j'étais clairvoyant. J'ai compris tout de suite quelle passion vous aviez pour Robert. Ah, ne croyez pas que je n'ai pas souffert. J'ai cru devenir fou à force de douleur et de jalousie. Seulement Robert était mon meilleur ami et vous l'aimiez. J'ai voulu du moins être celui qui aime, puisque je ne pouvais pas être celui qui est aimé. Je me suis dévoué à vous. Si je ne vous avais pas adoré, croyez-vous que j'eusse aussi étroitement surveillé Pilar ? Quand je suis allé vous prévenir, avenue de Saxe, je savais qu'elle était armée et qu'elle tirerait. Mais en m'exposant, Germaine, je sauvais votre amour. J'étais si ému que je pleurais. « Ne pleurez pas, Germaine, » me dit Thésée. « Qui sait si je n'ai pas eu la meilleure part ?» Madame Villaudry se tut. Des larmes coulaient de ses yeux. L'air du matin entrait par la fenêtre ouverte avec une sinistre clarté bleue. La rose éclatante se défleurissait entre les doigts rigides d'Aurélien Thésée. Et regardant dormir ce pâle visage, je songeais que cet homme, dans une vie d'apparence si grise et si morne, avait su cependant être un héros. C'était La meilleure part, par Edmond Jaloux.